Chapitre 2. Les 13 cadavres de la morgue. L'inspecteur Paul Barr arriva un matin par le premier train à Grimaud. Nul ne le remarqua, bien que les touristes fussent devenus fort rares dans le pays, sans aucun doute à cause des crimes anonymes et impunis qui s'y succédaient. Appelé par commission rogatoire du juge Gomerque, il alla rendre à celui-ci la visite d'usage. Mais selon son habitude d'indépendance, il ne lui cela pas qu'il désirait travailler en toute liberté, sans contrôle, ne promettant rien d'autre chose que de s'appliquer de son mieux à découvrir le coupable et la vérité. Le magistrat, surpris de cette attitude, se montra assez froid et quelque peu réticent. Paul Barr, qui n'était devenu inspecteur de police, après de brillantes études secondaires, puis supérieures, que par une irrésistible vocation de déchiffreur d'énigmes, agissait avec une parfaite indifférence quant aux préséances hiérarchiques. Il était riche, il était libre, ne redoutait rien, refusait obstinément d'être promu commissaire, était en somme un artiste policier, comme d'autres sont artistes peintres, et distribuait la totalité de ses appointements en don à la caisse de secours de ses collègues, avec lesquels il n'avait du reste que de simples relations de service. Il demanda au juge d'ordonner l'exhumation des victimes, et comme celui-ci ne paraissait pas s'empresser à satisfaire à ce vœu, prétextant que tous les rapports du médecin légiste départemental étaient parfaitement suffisants à cet égard, Paul Barr lui déclara nettement qu'il considérait que le juge devait mettre ses pouvoirs au service de l'enquêteur, réduisant ainsi en somme le magistrat au simple rôle d'instrument. « Puisque vous m'avez appelé par commission rogatoire, dit-il, le juge, redoutant de perdre ce collaborateur et de se le voir reprocher, consentit sans empressement. « Bien, fit Paul Barr, il faudra installer une morgue. C'est possible, c'est même facile, il y en a une qui est frigidaire à l'hôpital, mais je m'oppose à ce qu'elle soit publique. « Votre opposition, monsieur le juge, est inutile, je veux seulement qu'elle me soit réservée quelques instants. »« Soit, mais je ne vois pas ce que vous pourrez y découvrir, moi non plus, » reprit simplement Paul Barr. Le magistrat, froissé de la désinvolture de l'inspecteur, dès que celui-ci fut parti, prépara une lettre au procureur général pour l'informer qu'il renonçait au concours de Paul Barr et se rendit au cabinet du procureur du siège pour lui faire part de sa détermination. Mais il trouva celui-ci fort agité. On venait de découvrir, au bout du faubourg de la ville, le cadavre éventré du cheminot Béchu. Le juge, qui avait le soupçon de la culpabilité de celui-ci, réfugié depuis plus d'un mois aux environs de Grimaud, rentra dans son cabinet, et réflexion faite, très désemparé, il déchira sa missive. Paul Barr, après avoir vu le juge, alla rendre visite au maire, M. Hector Gérardi. Cette fois, il reçut un accueil chaleureux du magistrat municipal. « Enfin !» s'écria celui-ci à l'arrivée de l'inspecteur. « Ils s'y sont décidés. Monsieur l'inspecteur, veuillez considérer que je suis à votre entière disposition. Je me réquisitionne moi-même à cet effet. Et si vous rencontrez quelque résistance du côté de ces messieurs du palais, dites-le-moi, je ferai le nécessaire. Je compte sur vous. Toute la ville compte sur vous. » L'affaire du 13e cadavre réveilla le zèle un peu assoupi du juge et du procureur. L'exhumation eut lieu, la morgue fut installée, et même M. Gomerque téléphona lui-même à Paul Barr, à l'hôtel du Cheval Blanc où celui-ci était descendu, pour l'informer que tout était prêt, qu'il pouvait se rendre à l'hôpital quand il le voudrait et que lui, le juge, y serait l'après-midi à 15h. Très courtoisement, l'inspecteur lui déclara qu'en ce cas, il s'y rendrait lui aussi à la même heure. Il ajouta qu'il demandait expressément que les vêtements des victimes fussent apportés et placés à côté des cadavres. Le juge, en veine d'amabilité et sans s'enquérir des raisons de cette prescription, répondit « C'est facile, ces vêtements sont restés au greffe comme pièce à conviction. » Le policier reçut ensuite la visite de M. Hector Gérardi qui l'informa qu'il désirait assister à cette exposition macabre. Paul Barr jugea légitime cette requête du maire dont une parente proche et aimée avait été victime de l'assassin. Il était normal qu'il voulût se rendre compte de la nature du crime et aussi qu'il vint rendre hommage au corps de ses malheureux concitoyens. La morgue était installée dans la salle des morts où étaient entreposés, à l'habitude, les corps des décédés avant la cérémonie mortuaire. L'aspect était lugubre de ces 13 corps pressés les uns contre les autres sur la table de zinc et sur des tables voisines recouvertes de toiles cirées. Les cadavres étaient nus et dans des états de conservation fort différents. Là-dessus flottait une insupportable odeur mêlée aux effluves du phénol désinfectant. À ce point que le juge n'y put tenir. Écœuré en outre par ce spectacle, il dut se retirer et aller respirer dans la cour. Le maire tint bon, quoique fort incommodé, ému par l'affreuse vision. Paul Bar, lui, quand il enquêtait, entrait dans une sorte d'état second, il ne voyait que sa recherche, qui était aussi son devoir. Les 13 corps, depuis celui demeuré intact de la jeune nièce de M. Girardi, à celui qui n'avait pas eu le temps de se décomposer et qui attendait encore sa mise en bière du cheminot, portait la même atroce blessure, une ouverture demeurée béante. Entre les chairs écartées, on apercevait les entrailles à nu. Tout le bas-ventre était fendu, d'un seul coup, sans hachure, comme une coupure toute droite et nette. M. Girardi se penchait sur l'épouvantable chose, et comme Paul Bar s'approchait de lui, il lui dit « Il faut un spécialiste, n'est-ce pas, pour faire une telle blessure ?» Paul Bar regardait surtout les vêtements des morts. Il avait recommandé que tous les accessoires de toilette qu'il portait lors du crime fussent là. Ce qu'il avait dessein de savoir, c'est si, parfois, l'élégance du passant assassiné n'avait pas déterminé le criminel. Mais le cadavre du Béchu, entre autres, démentait cette hypothèse. Il démontrait du moins que la brute sanguinaire n'avait aucune idée, même obscure, de revendication sociale. Paul Bar, ayant longuement analysé tout ce qui restait de discernable dans ses vêtements, qui semblaient noyés dans des flots de sang, se retira. Il serra la main de M. Girardi avec quelques mots de condoléance pour le trépas funeste de sa parente aimée. Dans la cour, il salua le juge d'instruction. Et sans s'arrêter, il gagna la gare où il prit le train pour Paris.